Du coup, Gonesse, Europa City, donc le projet de centre commercial complètement inutile, qui va être construit sur des terres agricoles. Et donc on vient effectivement interpeller en disant que les gens n'en avaient pas grand-chose à faire sur place. Et je pense qu'il y a une distinction effectivement entre les gens on va appeler ça des cités. Et les autres habitants. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Les habitants, entre guillemets, qui sont peut-être un peu plus concernés par. Alors, je ne sais pas si le mot ruralité, c'est très juste, mais en tout cas par les champs, etc., etc., bah oui, ils se mobilisent. Les autres, effectivement, plus compliqués. Aujourd'hui, de toute manière, on n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Faut être franc. Après, le projet a été porté. Hein. Il y a eu quatre mais qui étaient effectivement avec des élus, avec des gens de sur place. Enfin, ils ont travaillé en fait à des alternatives. Ils ont fait comme un appel à projet pour avoir des alternatives. Il y a des choses qui sont faites, mais là vraiment j'extrapole et je pense qu'on aura le 20 mai sur cette même place où on aura un représentant d'Europa City. Aujourd'hui en fait on va parler d'Europa City de façon un petit peu plus, on va dire de double éducation populaire et de l'éducation populaire avec une intervention gesticulée d'Étienne. Donc, Étienne, c'est quand tu veux. D'accord, bah c'est dans 10 secondes, c'est parfait. Et donc on va nous expliquer pourquoi c'est un projet inutile. Nous les gens de la place de la République, bobo, pas bobo, et tout le monde. Ouais, on va t'avancer le micro même. Tu le fais à l'extérieur ou à l'intérieur? Ok. Donc on se met en place. Pas de commentaire. Donc Bobo éducation bouchée de cette place. Bobo éducation populaire, pour certains. Si on peut essayer de rapprocher la sono, ça serait cool. S'il vous plaît. Voilà, en tout cas, on est assez fiers hein, de faire un truc gesticuleux ici, c'est rigolo. Surtout aujourd'hui. Alors, donc. Ah bah voilà. Donc pour ceux qui nous écouteront, Étienne a mis une grosse perruque. Bien, bonjour à tous. Donc c'est une conférence gesticulée qui démarre incessamment. Alors en fait, je m'appelle Désiré Prunier et je suis un chronosmonaute. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chronosmonaute déjà? Chronosmonaute. En fait, c'est un voyageur du temps. C'est un cosmonaute du chrono, c'est-à-dire un voyageur du temps. Et là, j'arrive de 2067. C'est pas mal, hein? J'ai fait 5 de voyage. Parce qu'en 2067, on vient juste de mettre au point la machine à remonter le temps. Ça s'appelle la Smart, la super machine à remonter le temps. Et on est très fiers parce que grâce à la Smart, nous les gens de 2067, on peut revenir en arrière et puis faire des coucous à ceux qui, par exemple vous, les gens de 2017, qui avaient drôlement bien bossé, 2018, 2019, tout ça. Et on est très content de pouvoir venir. Alors je vous dis que c'est exclusif, c'est la première fois que la Smart fonctionne. Ça fait quelques années qu'on a essayé de la mettre en place. J'ai des collègues qui se sont retrouvés chez les diplômés au point. Et là, ça y est, la Smart fonctionne. Alors pas longtemps, hein. Sylvain, elle marche combien de temps la Smart? Une demi-heure, une heure? Bon voilà, elle marche une demi-heure et au bout d'une demi-heure, elle va fumer et il va falloir que je rentre avec elle, sinon je vais rester ici et j'ai quand même mes petits-enfants qui m'attendent en 2067. Une demi-heure, on se demandait, nous les gens de 2067, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens d'aujourd'hui, là, vous, les gens de 2017, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire qui soit intéressant? Parce que bon, 2067, c'est loin pour vous. Et on s'est dit, ah bah tiens, ici ils ont quand même drôlement bien bossé, on va leur dire merci. Vous, tout ce que vous avez fait en 2017, 2018, 2019, ben vous avez évité l'immense panade qui s'annonçait. Je ne sais pas si vous avez ça en tête aujourd'hui, mais c'est pas vraiment gagné toutes les histoires de climat, d'environnement, de politique. Et donc, on s'est dit, on va dire merci aux gens de 2017, parce que grâce à la Smart 67, on peut avoir un regard un peu décalé sur la façon dont nous, en 2067, on voit le monde de 2017. Donc, si ça vous dit, de toute façon, vous n'avez pas le choix, on va, en une demi-heure d'exposé court, présenter les principaux points. Et alors, ce qui est très important, en 2067, vous voyez, dans 50 ans, est-ce que vous avez une idée de quel est l'événement, quel est le problème le plus important que l'on regarde? Un événement très très important. Alors j'ai un peu triché, j'ai amené des vieilles affiches que j'ai retrouvées dans les archives en 1967. Ça va vous étonner, mais Europa City, qui est un projet complètement imbécile de Auchan, qui consistait à bétonner 400 hectares de terres agricoles juste pour faire du béton qui sert à rien, et bien Europa City, on en parle encore dans 50 ans, parce que c'est la première fois qu'on a pu arrêter un projet de bétonnage délirant. Avant notre... Donc dans les livres d'histoire postmoderne, en 2067, par exemple le bac, mon petit-fils passe le bac 2067, hein, c'est le brevet d'aptitude communautaire. Mon petit-fils, il a en première place appris la lutte de Europa City. Donc comme j'ai révisé avec lui, ça va être facile pour moi de vous en parler. Alors dans le moderne qui parle d'Europa City, on demande un peu aux élèves, mais pourquoi le projet d'Europa City est délirant? Pourquoi c'est un projet imbécile? Alors, je sais pas, vous n'avez pas révisé le bac 2067, mais vous avez peut-être une petite idée. S'il y en a qui connaissent un peu, qui ont une idée, tombe bien, ça me permet de servir à quelque chose. Donc, maintenant, en 2067, la pédagogie, elle se fait beaucoup avec des images, parce qu'on trouve quand même que ça parle très bien. Et je vous sors le manuel d'histoire postmoderne de 2067, merci beaucoup, avec une première image. C'est peut-être la plus logique, hein. Je vous rappelle qu'il s'agit de 400 terres agricoles qui sont bétonnés. Donc voilà, un exemple un peu simple. Qu'est-ce que ça donne de bétonner 400 terres agricoles là où il y avait plein de vie? Ça fait voilà le premier triangle de Gonesse. On parle des triangles de Gonesse, hein, au pluriel. C'est la destruction du vivant, ce qui n'est pas très malin. Alors, avec ça, il y a d'autres événements qui vont avec. Celui-là. C'est que si on détruit des terres agricoles, ça sert à nourrir, a priori, les terres agricoles. Et vous voyez, ça, c'est un panneau, bah, vous connaissez le code de dire attention, danger, parce que si on continue à détruire les terres agricoles autour de Paris, qui permettent quand même de produire la nourriture, on va se retrouver avec plus rien dans l'assiette. Et surtout que vous savez que là, aujourd'hui, en 2017, on a encore du pétrole bon marché, mais ça dure pas. Hein. À partir de 2020, il y a une grosse crise pétrolière, donc l'énergie devenant très chère, ça devient très compliqué de faire venir la nourriture de loin. Et heureusement qu'on a la nourriture de proximité. Donc détruire 400 hectares de terres agricoles à proximité de Paris, c'était vraiment une énorme bêtise qui est représentée là. Surtout, alors, un autre... Mais il y a des gens qui ont des idées ou qui ont révisé le bac 2067. N'hésitez pas à intervenir. Il y a un autre point assez important qui est maintenant... Alors nous, en 2067, on est un peu apaisé avec ça, mais je sais, si je me souviens bien, j'avais 20 ans en 2000, le sujet du climat était un petit peu chaud, c'est le cas de le dire, un peu souciant. Et si on n'avait rien fait, on aurait une terre à peu près dans cet état-là. Donc un peu trop chaude, quoi. Même beaucoup trop, on n'aurait pas pu y vivre. Et il faut bien comprendre que le massacre des terres agricoles, ça va avec la difficulté par rapport au climat, parce que ça fait encore plus de d'émissions de gaz à effet de serre, ça fait encore moins de zones qui font tampon. Par exemple, quand on est en ville, si jamais il y a une canicule, on est vite fait à 30, à 40 degrés, ça monte très vite. Alors que s'il y a des terres avec de la forêt, avec des cours, ça fait un tampon thermique qui est vraiment très utile. Voilà. Et puis, quand on parle de changement climatique, c'est pas tant le réchauffement que les perturbations. Hein. Le réchauffement, bon, plus 1 degré, plus 2 degrés, on se dit, c'est pas grave, je me mettrai en string, je quitterai le slip pour le string. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est vraiment le changement climatique énorme qui font plein de soucis après. Un point important à voir, c'est que quand on parle d'Europa City, il faut bien comprendre qu'on est dans des enjeux de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle les bétonocrates postmodernes. Un bétonocrate, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a le pouvoir du béton, ou au moins qui utilise son pouvoir pour bétonner. Et les bétonocrates utilisent la bétonopagande. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous dit quelque chose, c'est un mot de 2067. Mais la bétonopagande, c'est, vous savez, les machines à laver le cerveau disponibles. 17 millions de pouvoirs dans les grandes chaînes dominantes. Et donc ça fait effectivement assez de dégâts. Et ça fait croire, par exemple, qu'il y aura beaucoup de travail, que Europa City était un très beau projet, parce que ça amenait du travail. Et en fait, si on réfléchit bien à la situation, tire énormément d'emplois, par exemple les emplois de commerce de proximité, qui vont se retrouver détruits à cause de cette présence d'un énorme centre commercial. Alors normalement, j'ai une image très très explicite pour dire qu'il est détruit. Si ça tient. Hop. Voilà, c'est explicite ou pas? Pas mal, hein? Non, je sais pas si on reconnaît. Si, un peu. Il faut comprendre, c'est quand même du langage de 2067, donc d'il y a 50 ans, donc il y a un décalage, c'est un peu logique. Bon, si quelqu'un dans l'assistance a la patience de travailler avec mes crochets, moi je suis un peu surpris par le décalage temporel. 50 ans en une minute, ça fait. Alors, il y a quelque chose d'assez important à expliquer. Quand on reprend les vieux documents de Bétonopagande, on voit donc, on nous fait croire que c'est le Europa City, c'est un projet qui va amener du travail, donc on a vu que c'était faux. Mais il faut comprendre que s'il y avait autant de gens derrière, c'est parce que ça doit amener du béton. Donc ceci est un bétonocrate, hein, typique. Donc ça, c'est un grand danger. Hein. Dans les années 2000, à peu près des années 1950, vous voyez là, il y a une frise historique qui permet un peu de se repérer. Donc, en gros, hein, on dit que ça doit vous parler, parce que c'est aujourd'hui pour vous, donc moi, c'est il y a 50 ans. 2017, c'est le cœur du médiocrage. Hein. Le médiocrage, c'est une période assez bizarre pour l'homme occidental, où il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises, énormément de conneries. Et donc, voilà, ça, c'est ma photo en 2017. Vous voyez, j'ai un peu évolué. Le médiocrage, bien comprendre, c'est une période terrible que l'humanité a failli ne pas pouvoir repasser, parce que ça l'a bêtifié énormément, hein. Il y avait, donc on l'a dit, la machine à laver le cerveau disponible, plein d'autres choses, qui faisaient que vraiment, vraiment, on était, enfin, je sais pas si vous, c'est votre constat, vous qui êtes bien, mais c'est une société très aliénante, non-aliénante, même si on peut dire, où on rend les gens vraiment bêtes, et ça a été un peu long de s'en sortir. Alors, puisque j'en suis à faire un peu d'histoire postmoderne, je vous rassure, hein, vous allez voir, en 2029, donc dans bientôt de temps, ça sera la grande crise économique. Alors ça, c'est... Parce que vous savez, les banksters, c'est un peu comme Macron Pidou, quoi. Tous ces gens un peu requins qui deviennent ministre des Finances puis président de la République, ils sont quand même très très toxiques, mais je vous rassure, même Macron Pidou, hein, ça c'est sa photo, en 2029, il s'est transformé en banksters en slip parce qu'ils ont fait une énorme crise des... Nous, on s'en moquait un peu, on avait nos monnaies locales, et donc on a très bien supporté la crise. Eux, par contre, ils étaient un peu en difficulté. Alors les banksters sont devenus des gardiens de musées, c'est des très bons gardiens de musées. Hein. Aujourd'hui, en 2067, dans tous les musées des banksterofolies, des pétrofolies, on a un bankster qui est gardien. Donc vous voyez, c'est un problème de casting en fait. Les banksters n'étaient pas bons comme banksters, mais ils sont très bons autrement. 2036, juste hein, pour vous donner une idée, c'est la grande la fermeture du dernier puits de pétrole, de la dernière centrale nucléaire. Donc là, c'est vraiment un grand bonheur. Vous voyez, ça c'est moi encore, c'est ma fin de faire la fête. Donc voilà, patientez un peu, c'est dans à peine 20 ans, ça va vraiment nous soulager. Et là, on a dissous, nuit debout, tout ce qui servait plus à rien, on a fait une grosse teuf pour les dissoudre. Et là, 2067, ça c'est la photo de mon petit-fils. Vous voyez, 2067, c'est 30 ans après la pro-libération, on a un peu nettoyé, bon, il fait un peu chaud, hein, on a 2 degrés de plus quand même à cause des pétro-bêtises d'avant. Mais je suis là vraiment, sachez-le, le futur va bien se passer grâce à tout le boulot que vous allez faire, que vous avez déjà fait d'ailleurs, que beaucoup de gens ont déjà fait, et qui va continuer à être fait de 2017 à 2036, donc, enfin surtout 2029, voilà. Ça vous va? Ça vous donne un peu de perspective? Et donc, cette parenthèse historique étant un peu fermée, je crois important de bien comprendre dans un dernier point sur la... Excusez-moi, c'est le décalage spatio-temporel. Dans les phénomènes qui ont favorisé des projets outils, j'ai l'impression que c'est ma perruque en plus. Bon, après tout, on n'a pas besoin de parler, hein, les images, ça suffit. Donc ceci est un bankster qui n'est pas encore en slip, hein, parce que c'est un bankster de 2017. Voilà, c'est un Macron, comment on dit, Macron Pidou, quelque chose comme ça. C'est, on dit Macron Pidou parce qu'en fait, Pompidou était banquier chez Rothschild comme Macron. Hein, donc voilà, quelques années près. D'ailleurs, Macron est quelqu'un vraiment des années 70. Quand on regarde son programme, il propose des choses qui se proposaient en 1970. Mais il n'a pas tenu longtemps, hein, je vous rappelle. Là, on parle aussi de la pieuvre des grandes surfaces. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet animal très bizarre qui est fait d'un caddie avec des tentacules partout. Donc ça, c'est emblématique du médiocrage. C'est vraiment typique du délire de l'homme médiocrage qui se disait qu'il allait tout bétonner, y compris pour rien. Hein. Faut bien savoir que Europa City, le projet imbécile là, qui heureusement ne s'est pas fait mais qui a failli se faire, c'était le quatrième centre commercial sur 2 kilomètres. Il y en avait partout, tout le long, là, sur le long de l'autoroute A1. Et donc, ça allait vraiment pas marcher, ça s'en sait, mais c'est pas grave. L'argent, il se fait en bétonnant. Les bétonocrates, Hein, par définition, ils font de l'argent en bétonnant, pas après. Donc, que ça soit après en déshérence, en désert bétonique, c'est pas grave. C'est un peu comme Notre-Dame de Nantes, cet effet. Autre lutte victorieuse d'ailleurs. Alors, quand on arrive à ça de la conférence, imaginez mon petit-fils. Il est né après les années 40, enfin, je veux dire 2040. Et il regarde ça, il dit, mais pépé, comment vous, les gens de 2017, là, du médiocrage, comment vous avez fait pour supporter ça? C'est pas facile, hein. Qu'est-ce que je peux dire à un enfant de 10 ans en 2067, qu'effectivement, en plein médiocrage, l'homme occidentaliste, il avait rien d'autre comme idée que de bétonner partout et surtout des terres agricoles. Qu'est-ce que je lui dis à mon petit-fils? Vous, les gens de Nuit Debout, qui avez un peu réfléchi à l'état de délabrement de la société du médiocrage. Alors, il faut que je lui explique besoin. Et la meilleure explication qu'on a trouvée, c'est quand même de dire qu'on était très malade. L'homme du médiocrage est très très malade. Alors peut-être pour vous donner une idée de sa maladie, je vous sors un peu une image typique qui vient de 2017. C'était quoi la maladie de l'homme du médiocrage en 2017? N'hésitez pas, hein. C'est un bac blanc, hein. Vous risquez rien, c'est pas le vrai bac. Et puis, on était accro, on était grave accro. Ça se voit, non, quand même? Et accro à quoi? Pardon? Ah, j'entends pas bien. Ça doit être le décalage spatio-temporel. Au bétonnage, ouais. Alors en fait, c'est vrai que le béton était une drogue pour les bétonocrates. Mais enfin, beaucoup parmi nous, on aurait pu s'en passer du béton. Par contre, il y a vraiment une substance dont on avait du mal à se passer. Alors l'argent, ouais. Accro à l'argent, mais... À la bière, non, mais ça c'est classique, hein, ça n'a pas changé. C'est une addiction douce. Hein. Non, la drogue dure, mais je ne retrouve pas l'image parce que mon petit-fils a dû les déranger. On était accro au pétrole, on était accro à tout ce qui est... Le pétrole, c'est une substance très très dangereuse parce qu'en fait, elle a beaucoup d'énergie et on en consomme sans s'en rendre compte. Et ça me donnait une addiction assez, assez bizarre à plein d'autres objets. Par exemple, ceci. Je sais pas, vous savez ce que c'est cet objet, non? Ça existe encore en 2067, mais bon, on s'en sert plus pas. C'est une machine à laver le cerveau disponible. Très efficace, hein. Ça me lave très très bien le cerveau. Vraiment, tous les soirs, 17 millions de cerveaux lavés. Et donc, ça a bien marché. Le médiocrage, en fait, c'est un des emblèmes du médiocrage. L'aliénation de l'homme du médiocrage vient à laver le cerveau disponible, qui était donc un emblème, là. Alors, il y a d'autres éléments d'addiction. Je vais peut-être pas trop vous embêter. Ah, si, quand même, celui-là, je l'aime bien. Ça, c'est une vieille image d'archive qui vient de 2015 à peu près. Vous reconnaissez quoi? C'est une vieille photo, hein. C'est un T.U. Oh, bizarre, elle fait bip bip, les gens répondent T.U. et puis ils raccrochent. Et ça, alors moi je me souviens, en 2015, hein, jusqu'à... Après il y a eu le Smart Strumpf qui était guère mieux, donc c'était T.U. Alors bien sûr, ça existe toujours, hein, les portables en 2067, mais on s'en sert pour prendre rendez-vous et se voir et boire une bière plus intéressante. Voilà, donc ça, un élément d'addiction terrible. Qui explique beaucoup de choses, mais alors mon petit-fils, ça le satisfait pas, il me dit, ouais, pépé, d'accord, t'étais accro au pétrole, au T.U., à la machine à laver le cerveau disponible, mais quand même, moi, ton petit-fils, je suis accro au chocolat, j'ai réussi à décrocher, pourquoi toi, pépé, t'as pas pu décrocher de ça? Alors qu'est-ce que j'explique à mon petit-fils pour dire qu'effectivement, c'était dur de décrocher du pétrole, du T.U. et toutes ces bêtises? Ben, il faut que je lui parle de la bétonopagande, hein, j'ai votre question. Qu'est-ce que c'est que la bétonopagande? C'est la prostate, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'ils disaient les bétonocrates tous les soirs dans les machines à laver le cerveau disponible? Quel était le message de base des bétonocrates? Vous n'avez pas d'idée? Alors je vous ressors une image, hein, qui sert beaucoup en 2067 pour expliquer le médiocrage aux enfants de 2067, rien, tellement ça a l'air aberrant. On leur sort ça. Vous voyez quoi là? Alors vous voyez quelque chose qui ressemble à une grenouille, mais une grenouille avec des compléments qui sont un peu bovidés. En fait, c'est un grenou-bœuf. L'intérêt du grenou-bœuf, cette image, qu'est-ce que ça suggère? Vous n'avez pas appris les fables? Vous savez, en 2067, c'est au programme du bac, hein, au bac de les fables de La Fontaine, c'est très explicite. C'est l'histoire d'une grenouille. Alors, celle de La Fontaine, elle veut être aussi grosse, mais en plein médiocrage, on veut être toujours plus gros que toujours plus de bœuf. Il faut jamais que ça s'arrête. Et en fait, si on utilise ce modèle-là, cette mascotte, c'est parce que le grenou-bœuf, il a un cri très très particulier. Quel est le cri du grenou-bœuf le soir au fond des bois? Comme une grenouille, ça fait croix. Et comme un grenou-bœuf, ça fait croissance. Oh, tous les soirs, le grenou-bœuf, dans les machines à laver, le cerveau disponible, dit croyez en la croissance. Alors là, si vous expliquez ça à mon petit-fils, il comprend pas, il dit, mais pépé, t'as cru à la croissance? C'est tellement ridicule qu'on puisse croire que quelque chose grandit sans jamais s'arrêter. Vous imaginez les arbres là, s'ils ne s'arrêtaient pas de grandir, ça serait monstrueux. Et moi, si je continue à grandir. Heureusement que la croissance, ça s'arrête. Et la croissance des bétonocrates, des pétrocrates, des médiacrates, des échronocrates, des nucléocrates et autres crates du médiocrage, c'était nous faire croire qu'on n'allait jamais s'arrêter de grandir, de croire aussi. Croire qu'on croissait. Alors là, vous imaginez la tête de mon petit-fils. Aujourd'hui, en 2067, c'est tellement ridicule la croissance. Comment les gens de 2017 y ont cru. Alors quand vous êtes en 2017, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'on croit à la croissance? Certes, il y a la machine à laver, le cerveau disponible tous les soirs, mais quand même, quelle salade, quelle fadaise. Alors là, mon petit-fils, vous voyez quand même, c'est utile les grands-parents qui expliquent à leurs petits-enfants. Mon petit-fils, je comprends mieux. Vous avez fait plein de bêtises en plein médiocrage, mais effectivement, vous étiez shooté au pétrole, vous étiez shooté à la croissance, et d'autant plus shooté que la bétonopagande, tous les soirs, elle vous disait, allez-y, croissez et croyez. Alors, il faut quand même que mon petit-fils, parce que quand même, ça c'était le médiocrage, ça a commencé dans les années 1950, 2017, ça faisait 50 ans, il vous a fallu 50 ans pour comprendre que c'était des fadaises. Alors là, il faut que j'explique à mon petit-fils que, effectivement, il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que le continue. Alors, on a parlé des bétonocrates, mais globalement, ces gens-là, on les représente comme ça, en histoire postmoderne. Je vous rappelle, pour ceux qui arrivent, que c'est un cours d'histoire postmoderne pour réviser le bac 2067. Je m'appelle Désiré Prunier, je suis un chronosmonaute, et je viens de réussir la première traversée du temps, moins 50 ans. Donc je vous fais un petit topo sur comment nous, en 2067, on voit l'époque très très bizarre du médiocrage 2017, très très surprenante. Donc ceci est un crate typique. Sylvain veut bien. Vous le reconnaissez avec sa cravate, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc le crate, c'est tous qui ont pris le pouvoir, d'où le mot crate, mais sans qu'on leur donne vraiment. En fait, quand on réfléchit, on ne sait même pas d'où ça vient qu'ils aient le pouvoir. Les bétonocrates, les éconocrates, les médiacrates, tout ça. Donc ça c'est des gens très dangereux. Ben, vous le savez, vous, en 2017, il y en a qui sont banquiers. Il y en a même qui arrivent à être président de la République, très étonnant. Mais bon, on sait que c'est le travail aussi un peu des médiacrates qui ont fait ça. Et donc, il faut comprendre aussi que les crates, qu'ils soient bétonocrates, banksterocrates, tout ça, c'est des gens malades, très très malades. Donc comme ils sont malades, il ne faut pas leur en vouloir, enfin pas trop. Donc ça ne sert à rien de leur mettre des baffes ou leur crier dessus, il faut les soigner. Et comprenez bien qu'après la grande crise économique de 2029, on a soigné tous les crates, les banksters surtout, ça c'est un bankster en slip. La grande crise économique de 2029, ça a permis de les soigner dans des musées, parce qu'ils sont très bons gardiens de musées. Je vous l'ai déjà dit, je rate des buts, mais comme je vois que ça circule. Alors, les bétonocrates, ils sont accros, comme nous, comme tous, à la croissance, au pétrole et tout, mais en plus, ils sont accros à une substance très bizarre, qui à l'époque, en tout cas en plein médiocrage, était très dangereuse. Ils sont fricomates, grave. Et puis, ils aiment bien aussi être vus. Ça, c'est compliqué, Vous savez, les gros égaux qui ont besoin d'être vus. Donc, il faut qu'on les voit, quoi. Voilà, donc ça, c'est un crate typique. Je ne sais pas si c'est pas Macron, d'ailleurs, dans les coulisses avant de faire un meeting. Parce que quand il commence à dire des bêtises, on pense qu'il a... Mais voilà, donc un crate typique. Là, avec ce tableau-là, mon petit-fils, il comprend mieux. Il me dit, bon, poupée, d'accord, je pige. Vous, les gens du médiocrage, il y a 50 ans, 2017, vous avez fait un monde un peu taré. Enfin, ça, c'était les triangles de Gonesse. Mais c'est parce que vous étiez le cerveau lavé par la bétonopagande qui voulait vous faire croire à la croissance. Et en plus, les bétonocrates et tous les médiacrates et iconocrates en mettaient une couche. Voilà. Vous voyez, ça aide un peu. Alors, peut-être ce qui est quand même important de comprendre... Parce que là, quand on en parle comme ça, on peut en rire, surtout 50 ans, 37, on va se dire, bon, les gens du médiocrage en 2017, ils étaient un peu frappadingues, mais en fait, c'est que c'était grave. D'abord, c'était grave parce que ça faisait beaucoup de dégâts. Ce que les crates, les éconocrates voulaient, c'était la guerre d'économique. Vous voyez, la guerre d'économique, c'est dangereux parce que quand on dit guerre, il y a quand même des gens qui se tapent dessus, et il y a des gens qui meurent et tout, donc c'est pas drôle. C'est pas vraiment le moment, mais bon, ça c'est une manie du médiocrage en 2017. Non, mais c'est pas grave. On a des images d'archives en 2067, c'est la manie des selfies. C'est les selfomans. Voilà, ça va passer. Celui-là, je l'ai enlevé. J'essaie de vous expliquer que la guerre d'économique, c'est pas une guerre rigolote, c'est une guerre qui a des blessés et des morts. Et en 2017, c'était quand même par milliers que les gens mouraient dans la Méditerranée. Et c'est par millions que les gens étaient blessés par la misère. Et par milliards même sur la terre entière. Donc ça, ce que disent pas les crates quand ils disent à travers la bétonopagande, allez-y, tapez-vous dessus, eh ben ça se voit mieux avec des images un peu d'archives. Parce que oui, alors, ce que je vous ai pas dit, Ça, c'est l'emblème mensonge énorme de la bétonopagande. Donc, on vous a vu que le premier mot mensonge, c'est la croix-croissance, hein, qui est une bêtise absolue, comme si les êtres vivants pouvaient croire, grandir sans arrêt sur une planète finie. C'est une bêtise monstrueuse, mais beaucoup y croyaient encore en 2017. Mensonge de la bétonopagande, voici son symbole, et à votre avis, c'est lequel? Vous voyez quoi comme mensonge, là? Énorme. La concompétition, excellent. Alors là, on a un public, soit il a déjà eu le bac et il fait semblant de le réviser, soit il va avoir le bac, je vous rappelle, c'est quand même beaucoup plus facile, mais beaucoup plus concret. Donc voilà, ça c'est la concompétition. Alors je vais peut-être la mettre là, je vais virer un peu. J'essaye d'ordonner, c'est ce qu'on appelle, non pas un PowerPoint, mais un filet point. Un power filet. Enfin bref, un truc beaucoup plus robuste d'ailleurs en énergie. Et la concompétition, c'est une énorme bêtise. Hein, mon petit-fils, quand je lui explique que la bétonopagande tous les soirs disait qu'il fallait être les premiers, qu'il fallait être les meilleurs, qu'il fallait écraser la gueule de ses voisins, qu'il fallait se battre les uns contre les autres, il me disait, mais Pépé, c'est trop bête. Alors qu'on est mieux ensemble, qu'on conspiration, la collaboration, ça marche bien. Qu'est-ce qui se passait pour que dans la tête des gens du médiocrage en 2017, il y a 50 ans pour moi et aujourd'hui pour vous, on arrivait à croire qu'il fallait se taper dessus tout le temps? À l'école, il fallait être le premier, au boulot, il fallait avoir des objectifs plus remplis que les autres, tout le temps, il fallait se taper dessus. Ça, c'est l'œuvre de la bétonopagande, très efficace. Machine à laver, le cerveau disponible tous les soirs. Et alors, donc, je reviens un peu à mon schéma de la concompétition. Ce que disaient pas les bétonocrates dans la bétonopagande, c'est que la guerre économique, ça fait des morts, des blessés, hein, je les suggère. Et que ces morts et ces blessés, c'était quand même drôlement grave. Je vous rappelle que quand on a eu la grande libération, là, hein, avec la grande crise économique et tous les banksters qui se sont retrouvés en slip, bon, les banksters, on les a mis au musée, et après, il a fallu, donc là, on a fait du pétrole et les samples, il a fallu quand même 30 ans pour nettoyer toutes les bétonochonneries, les pétrochonneries qu'on avait fait sur la planète, et puis il y avait des milliers de personnes aussi à soigner. Donc ça a été un gros dégât, mais encore une fois, je viens là pour vous dire merci, parce que nous, en 2067, on vit mieux grâce à vous, parce qu'en fait, tout ce boulot est nous debout et ailleurs, et donc vraiment, trop merci. Vous êtes merveilleux. Bien, peut-être un petit point rigolo. Celui qui garde, il est où Sylvain? C'est lui qui garde ma machine à remonter le temps. Elle part dans combien de temps, ma machine, Sylvain? Ah ouais, je vous rappelle que la machine à remonter le temps, on vient juste la mettre au point en 2067. Donc c'est le premier voyage. Bon voilà, il paraît que dans 10 minutes, ma super machine à remonter le temps va vouloir que je reparte avec elle ou sans elle, mais alors là, je vous aime beaucoup maintenant dans 2067. Donc en 10 minutes, je vais peut-être vous faire un petit point de comment on s'en est sorti. Non, quand même, je finis avec la compétition, c'est vraiment trop bête. Surtout le jour où, il y a 50 ans, Macron a été élu. Macron Pidou, hein, je vous le rappelle, qui est quand même un requin de la pêche. C'est quand même bizarre, non? Un banquier ministre des Finances, c'est très étonnant. En plus, après, président, vous imaginez Macron Pidou, ce que ça a fait, mais je vous rassure, hein, on l'a assez vite contrôlé. Donc, pour bien comprendre que les généraux de la guerre économique, eux, ils disaient « tapez-vous dessus, hein, faut que ça soit la bastouze », et pendant ce temps-là, eux, ils buvaient le champagne à Davos. Donc, c'est bizarre, la guerre économique, c'est les petits soldats de la guerre économique qui se tapent dessus, normal, hein, la bétonopagande leur dit de se taper dessus. Par contre, les généraux, ils boivent des canons à Davos. Donc, vous voyez, c'était un peu pas bien ficelé. Bien, intéressante pour vous, les gens de 2017, hein, parce que je vous rappelle que en 2017, c'est le cœur du médiocrage, le pire du pire de la quintessence de ce que l'humanité a fait. Une humanité qui était capable de massacrer 400 hectares de terres agricoles comme à Europa City, qui était capable donc de libération pour le climat, se préparer à une planète insupportable. Et donc, ce qui est très intéressant, et là, mais mon petit-fils, lui, il regarde ça avec attention, il dit, mais comment on a fait pour se sortir de la bétonomélasse que la bétonopagande et les bétonocrates voulaient absolument nous imposer? Comment on s'est sorti de ça? Alors, vous avez une idée, non? Vous êtes des gens de nuit debout à plus punchy. En fait, on a réfléchi. Et on a eu ce regard. Ce regard. Si vous prenez le temps, hein, c'est un petit test, vous les gens de 2017, qui êtes en plein médiocrage, si vous prenez le temps de regarder la situation de votre monde, donc le monde de 2017, avec les discours mensongers de la croix-croissance, de la concompétition, et avec les conséquences désastreuses sur la planète en général, et à Europa City en particulier, de cette folie du béton et folie de la croix-croissance, ben non, on ne va pas faire ça, quoi. Surtout que assez vite, dans les années 2018-2019, sont arrivés les vrais chocs pétroliers. Vous savez que le pétrole est limité, le pétrole bon marché en tout cas, et que contrairement à ce que disait le discours des éconocrates, des bétonocrates et des médiacrates, ça allait bientôt s'arrêter, quoi. Notre-Dame-des-Landes, heureusement, ne s'est pas fait, parce que de toute façon, il y aurait plus d'avions après. Et il était vraiment important de penser à un monde de proximité pour faire face à la pénurie de pétrole et donc avoir des activités qui soient peu consommatrices d'énergie. Et donc là, du coup, je vais vous faire l'élément d'information. Il me reste combien de temps, Sylvain ? Parce que j'ai un final, non ? Ouais, je fais le final. Bon, alors, juste, je cherche un arbre fruitier, c'est terrible. Mais bon, tout le bordel dans mes images, donc je voudrais ça. Non, mais c'est bon, on va faire le final. Enfin, comprenez en tout cas, si quand même, il y a une phrase assez clé, je pense. Ah ouais, j'en ai trop même. Ah ouais, c'est ça, hein, quand on révise le bac, on ne sait jamais sur quel sujet on va tomber. Et donc on est obligé de... Mais voilà, juste une image que j'aime bien, c'est l'idée de rapprocher... Bon, bah, je ne vais pas y arriver. Alors je finis, parce que là, la super machine à remonter le temps est en train de fumer, il faut vraiment que j'y aille. Il y a quelque chose qui est en chapitre, le dernier chapitre du manuel d'histoire postmoderne, la bétonomélasse de laquelle on s'est sorti. Je rappelle pour ceux qui arrivent que je viens de 2067, je suis un chronosmonaute, et j'ai ramené avec moi des archives, en particulier d'une lutte emblématique. On voulait revenir en 2017 parce que c'est là où il y avait le projet imbécile d'Europa City qui consistait à bétonner 400 hectares de terres agricoles cultivables nourricières pour faire un gros centre commercial qui sert à rien, comme il y en avait déjà 4 autour, c'était vraiment pas la peine, et qui allait en plus non seulement détruire des terres agricoles, mais faire des gros trous dans le budget, parce qu'il y avait quand même 1 milliard d'argent public derrière, pour 3 milliards d'argent privé en plus. Et donc ça a été une énorme bêtise, et donc c'est un projet emblématique pour nous en 2067. Et alors, pour vous dire quand même, Dame Note, ah oui, il est là, il y a quand même quelque chose d'important qu'on n'aurait jamais dit en 2017, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aurais jamais dit, c'est que face à tout ça, face à toute cette situation quand même un petit peu angoissante, ça faisait quand même, ça crée des sentiments très négatifs chez nous. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, en 2017, j'étais souvent énervé, hein, en colère contre Ortevald, ce Papa Hollandréou, enfin, tous ces gens qui n'ont rien fait, puis bientôt Macron Pidou aussi. Donc énervé, un peu angoissé quand même, parce que les problèmes de climat s'y mettent dessus, et puis un peu honteux, parce que en fait, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez. Et tous ces sentiments négatifs, ça pique. Ça fait qu'on n'est pas bien, quoi. On a vraiment envie, on a mal au bide, mal à la tête. Et ça nous pique nous, et puis ça nous pique dans les groupes. Ça, c'est un problème, c'est que tous les groupes, un peu souvent, des problèmes, ils se tapent dessus entre eux. Hein. Ils se trompent d'ennemis, quoi. Au lieu d'essayer de viser les banksters, les bétonocrates et tous les gens qui vraiment mettent la planète dans la mélasse, ils ont plutôt envie de se taper entre eux, ce qui est vraiment dommage. Et ce qu'il fallait comprendre, mais alors ça, vraiment, en 2017, on commençait à peine à le dire, qu'entre la tête qui réfléchit et le bras qui agit, il y a un cœur qui palpite. Alors là, ça change tout. Parce qu'on arrête de se taper dessus, on se dit, bon, d'accord, on va peut-être quand même considérer un peu les gens autour de nous. En rouge sur rouge, ça bouge pas non plus, rien ne bouge, mais on voit quand même que c'est un gros cœur bien palpitant. Et ça, c'est ce qu'on appelle aux émotions l'attention aux autres. Alors, en 2067, ça va de soi. Les enfants, ils ont de la communication non violente partout dès le début. Mais en 2017, on avait un peu de mal à parler de ça. À République, des fois, c'était un peu tendu avec nos amis les Bleus, tout ça. Donc voilà, c'est le petit message que je vous laisse. Là, il y a Sylvain, le tenancier de ma Smart, elle va partir. Donc ma super machine à remonter le temps me ramène en 2067. Donc vraiment, je suis heureux de vous avoir fait un petit coucou de 2067. Et à bientôt, dès qu'elle est au point, on revient plus longtemps et on vous explique mieux comment vous avez fait pour empêcher Europa City. Vous êtes merveilleux. Merci, bravo, à bientôt. Merci, hein, Étienne. Tu m'as fait découvrir des mots aujourd'hui que je connaissais pas. Et Macron Pidou, je crois que ça va rester. Je sais pas pourquoi. Du coup, ouais, effectivement, donc Europa City, comme c'est marqué sur les petites ramées. Alors, ce qui n'a pas été dit en 2069, c'est qu'ils veulent faire une piste de ski à Gonesse dans le 95. Donc, c'est pas forcément un endroit où il y a de la neige. Il n'y a pas de montagne. Et on a l'impression que c'est un truc déjà au niveau écologique, ça va être n'importe quoi. Au niveau des emplois, il y aura quasiment aucun impact sur l'emploi du bassin dans le 95, notamment sur les jeunes des Villiers-le-Bel, Sarcelles, Gonesse, Goussainville, qui forcément seront pas touchés puisque ça va être quelque chose de luxueux. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a quatre centres commerciaux qui ne marchent pas, dont celui d'Aéroville avec le cinéma de Luc Besson au milieu, et qui a même pas un quart d'heure en voiture. Et nous, voilà, en tout cas, avec les copains debout, avec Écologie Debout, on, En tout cas, on a forcément fait des liens avec cette lutte. On va les aider. Et le 21 mai, franchement, on va avoir une action très très sympathique. À 10h30, on va planter des graines dans un champ. Donc n'hésitez pas, hein, même si vous avez jamais fait ça, venez. Un tuto, c'est pour vous apprendre à planter des graines. On peut commencer ici, le 20 d'ailleurs, pour planter les graines ici à République. Il y a un bal populaire avec deux petits concerts et des conférences le midi. Et il y a une manifestation l'après-midi. Donc on vous invite à aller sur l'Europa City, pour, parce que vous pouvez y aller en covoiturage et en transport. Il y a un bus qui vous amène sur place. Et on vous y attend nombreux avec, juste une dernière petite info, avec Écologie Debout, le 20 mars, on fera une journée spéciale sur les grands projets inutiles et le bétonnage en Ile-de-France. Ici, a décidé de mettre la végétation sur cette place, mais à quelques kilomètres, et ben, en fait, on bétonne. Donc on trouve ça un petit peu antinomique et complètement absurde et inutile. Donc, c'est en mars, mais je suis resté bloqué au calendrier de l'année dernière. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Alors surtout, ne pleurez pas ce soir. Tout va bien se passer, quoi qu'il arrive, aux alentours de 20h. Nous, on va à la Villette, pour ceux qui veulent venir avec nous. Et comme vous voulez, vous pouvez crier chez vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez crier dehors aussi, pleurer, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'il y a un rassemblement demain, voilà, si vous n'en êtes pas remis de ce soir. Ici même, un rassemblement à 14h, voilà. Merci beaucoup, merci à Étienne. Performance, c'est toujours, voilà, c'est toujours quelque chose sur cette place. Et de toute façon, on se redonnera des rendez-vous. Et on vous attend tous le 21 mai à Gonesse, voilà. Bonne soirée à vous, et pleurez pas trop, encore une fois, pour ce soir.